L'autre jour, en rentrant dans la salle de bain, Ginette aperçoit sur la tablette, au-dessus du lavabo, un pot de gel vert fluo. Elle s'en met sur la tête. Nous, dans la pièce à côté, enfin, de la pièce à côté, on entend son éclat de rire, on lui dit « Ça va, Ginette ?» Et elle nous répond « J'ai mis du gel sur ma tête, si tu voyais le résultat, je suis que pont, je suis que pont, je suis que pont. J'ai mis du gel sur ma tête, mes parents ne me reconnaîtront pas, je suis que pont, je suis que pont, je suis que pont. Que pont. J'avais un papyrus, un papapapetier, j'ai fini par jurer que je sais pas comme eux. Ça finit par monter, ces liens de parenté, mes entre-parenthèses, je vais beaucoup mieux. Depuis que j'ai mis du gel sur ma tête, si tu voyais le résultat, je suis que pont, je suis que pont, je suis que pont. J'ai mis du gel sur ma tête, mes parents ne reconnaîtront pas, je suis que pont, je suis que pont, je suis que pont. Que pont. Je ne peux pas nier mes copains passagers, je ne peux pas piller, à quel dilemme. Un copain palichon m'a dit fais pas le toqué, si tu peux pas niquer tes karatés. Si tu fais patiemment, si tu oublies pas tes tics, tu pourras pas tenter de nous épater. Alors j'ai mis du gel sur ma tête, si tu voyais le résultat, je suis que pont, je suis que pont, je suis que pont. J'ai mis du gel sur ma tête, mes parents me reconnaîtront pas, je suis que pont, je suis que pont, je suis que pont. Que pont. Je ne suis pas liatif, je ne suis pas ladium, je ne suis pas le mipède, je suis bipède. Je ne suis pas naché, je ne suis pas turon, je ne suis pas lissa ni même maussade. Je ne suis pas stoural, je ne suis pas truc grec, je ne suis pas de mouille, mais j'ai des cheveux verts sur la tête, si tu voyais le résultat, je suis que pont, je suis que pont, je suis que pont. J'ai des cheveux verts sur la tête, mes parents ne reconnaîtront pas, je suis que pont, je suis que pont, je suis que pont. Que pont. Et sur mes pavanés, je ne suis pas revenu, je ne suis pas savant, mais je continue. Et je vais par chemin, n'oubliant pas nos plis, quand on n'a pas le sang bleu. Pas le sang bleu. Ventre saint gris. Corne bidouille. Et charnicoton. Et Dieu me prie patin. On fait ce qu'on peut. On met du gel sur la tête, si tu voyais le résultat, on est que bon, on est que bon, on est que bon. On met du gel sur la tête, nos parents nous reconnaîtront pas, on est que bon, on est que bon, on est que bon. La la la la la la la la la la la.